que je te paye. Sans hop la vie, je crois que je... Bonsoir, bienvenue cet après Fête de la Musique pour de la musique, de la grande musique, toujours sur Canal Sud 92.2 FM, de la grande musique, celle de Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Ce soir, mantra tibétain, prière collective, hallucination spécifique et inclination vers le degré suprême. Entendez la mort. Entendez-vous mourir ? C'est là l'art de la mystique, la grande mystique. Cette guerre, entendez le bonheur. Je suis un cadavre, mais non, si seulement tu ne sais pas. infamie, infamie, oh infamie, le grand art, le grand art, oh oh oh. Jambes de pute, montrez-moi de vous. aux mortes chattes, aux mortes chattes. Tic, tac. Aux mortes chattes. Tac. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Sainte merde. Où es-tu ? Aux mortes chattes. Ma sainte. Ma sainte merde. Aux mortes chattes. Je ne t'ai pas oublié. Quand j'étais petit. Aux mortes chattes. J'étais très petit. Chattes. Et grâce à toi, j'ai grandi, sainte merde. Aux mortes chattes. Oh, ma sainte merde. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. I wish I were, you know. Aux mortes chattes. Aux mortes chattes. On sexe réclame du sexe d'autrui. D'autrui suffira. Mais surtout n'oublie pas des battes de baseball collant et glissantes à la fois. Oubliez leur face de putain. Machine à baise. Oubliez leur muselierite, muselée, car fervente administrice des bites. C'est ça, libérez-vous, relibérez-vous, qui disent, qui disaient, vous êtes libérés, emprisonnez-vous donc le long des vers, tard dans la soirée de base. Tous, oui tous, des salopes, mais seulement va là-bas, bien en bas, en frottant bien comme il faut, bien comme il faudrait. Si tu sentais le frottis de la peau contre les muqueuses, non, je ne te veux pas. Non, je te veux. Baiser, oui, oui. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons atteindre les sommets, il nous faut niquer, chier, manger, dormir, regarder la télé, dehors, dans la brume de nos passions éclaircies par un nuage de fumée noire. Je te baise, qui dit. Je te laisse, qui me dit. Pas parce que, bite, foutre, tu penses bien, comme un homme, un vrai, ou sinon, non. Tête qui me dit, tête ben, qui me dit. T'allais me faire foutre, et j'y vais, car je suis libéré. Il m'a supplié de rester, et j'y vais, car je suis libéré. Il m'hostilise le tunnel, et je jouis pas, car je suis libéré. Mais lui n'en sait rien, car il est emprisonné par le sexe que j'ai décidé de lui faire partager. Mon sexe mouillé l'encule profond. Bien fait, il avait qu'à me faire un bébé. La première fois, comme ça, on n'aurait pas eu à baiser encore et encore pour éviter d'être des ratés. Quel moteur vibrant, massant mon espace-temps en continu, répétitivement, cycle mensuel, menstru. Desquamante, pâte blanche, blanche, jaune, puant, oui. Mais voilà, lui s'en fout de mes souffrances, de mes désirs et de mes idées noires. Lui, tout ce qu'il veut, c'est niquer, me niquer pour prendre mon fric, pour prendre ma frite, que j'aurais pu, parce qu'il me l'a prise, il me l'a prise. Je broie du noir d'encre de Chine. Dragon verdâtre, comme la gangrène, verte, pas la noire, la verte. Et il me dit que je suis au lit, et que je sens bon. Je sais que je pue du minou. Pourquoi il me dit ça, salaud? Finalement, j'en veux plus. Je veux que lui dire d'aller se faire sucer par une autre. d'autres grosses vaches comme moi. Parce que je suis une grosse vache pleine de foutre. Et il le sait pas. Mais je baise partout où je vais. Dans ma tête, tellement on se fait chier ensemble. Des problèmes, rien que des problèmes. Il m'a rien apporté, à part l'autorité dont il fait preuve comme papa. Il me tape mon homme. Et je suis sûr qu'il est homo. Gay, quoi. Et il pagaie le long du Gange quand il regarde les gravures du Kama Sutra. Et dans la semoule, je le suis. Peut-être que si je lui disais la vérité, il me laisserait tranquille, genre casse-toi, sale pédé de fruc fac, sale tapette à mouche, mouche-toi ta bite dans un mouchoir, javelisé de coton, coton d'être marié. Et pendant ce temps, la terre tourne rond. Mon. Mais elle, elle est chiante, la terre. Elle fait que nous donner le vertige. Quand on y pense, à quelle vitesse on traverse le néant, non mais, regarde-moi ça, aucun respect. Ah vas-y, tu peux me parler de, je sais pas, de ta maman, s'il te plaît? Ouais, je veux bien, ouais, ma maman et mon papa même. Bon bah vas-y, alors si tu veux parler de ton papa, bah mon papa et ma maman aussi, tu vois. Ah ouais, parce que moi non. Pourtant, tu sais, si seulement tu faisais attention un peu, si et bah tu le saurais aussi quoi. Mais pourtant, je sais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, parce que au final. Au final. Mais on pourrait faire un débat. On pourrait débattre. Mes amis. Débattre des amants. Des amants de maman. Ouais, carrément, on pourrait se faire les amants de maman et de papa. Tout en rêvant d'être gay quoi. Tu veux dire jovial quoi? Jovial. Jovial. Des gays ou des gays. Ouais, des gays ou des babos. Et si on faisait les bobos ce soir? Juste pour les. Ou des queers, cuir. Voilà, des couilles. Ou des queers, cuir. Et si on faisait les couilles molles un peu pour changer? Ou des couilles molles. Ouais, des couilles molles. On va faire les couilles molles. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'abord, baiser comme la pute que je suis. J'entends ce que tu veux dire. C'est ça qu'il faut faire. Donc, quand j'ai dit baiser, ce jour-là, je voulais dire qu'il y avait toujours une option, tu vois. Ça sert à rien. Ça fait un peu d'archrome ici, il y a un nuage rouge. Ah, il y en a deux même. Oh. Plus relent. On se sent seul, hein, t'as vu? Système sonore. Ouais. Ouais, carrément, je sais. Sonne. C'est marrant. Moi, la cloche. Je rigole trop. Que j'ai dans la tête. Ah, oh, c'est trop rigolo la désespérance. Ouais, ça fait rire, hein. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, en parlant d'inespoir, je vais faire du piano, je crois. Je vais me branler au piano. Bon, tu fais ce que tu veux, mec. Hein. Tu te sens libre. Sens-toi comme chez toi, mec. Bon, bah, 21h31. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Canal Sud 92.2. Anna, torture-toi. Laisse-moi vivre une vie de tortionnaire. Don't forget, we wanna die, we wanna die. We just wanna die, that's all we wanna do, we wanna kill you and die. Tout plein de supplices. J'attends des suppliques. Cherche encore le programme. Merde. Donc on se proposait de débattre ce soir sur, je sais pas, on propose un sujet, peut-être on va y réfléchir, peut-être. On va y réfléchir un peu. On va se donner 1h30, 1h25. D'accord, mec ? On a 1h et 25 minutes pour réfléchir à un sujet à débattre, quoi. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on va se faire foutre. Mais avant tout, discutaillons un WC à ses chiottes. Un AVC à ses chiottes de merde qu'on oublie tous les jours en pensant à se faire chier et en faisant caca dans les cyprès, si loin de tout, seul. Oui. Seul, tout seul même. Baby, yeah, yeah, baby. Oh baby, yeah, baby, yeah, yeah. Ooh, yeah, baby. C'est ce que je lui ai dit. En train de tailler une discussion à un édredon et tout en fascination, nous pétons l'ancien dans le son, tu vois ce que je veux dire. Bon, auditeurs, auditrices, si vous n'avez jamais entendu de la musique, et ben c'est justement la bonne émission. C'est celle où on entend de la grande musique, de la belle musique, la musique des dieux et des cieux. Nous sommes des dieux, tu sais, n'est-ce pas, tu sais. En tout cas, on s'en prend pour, quoi, des. Alors, on va essayer de vous faire écouter ce que la musique divine est. Ça tue. T'arrêtes. Pour changer d'accord. Oh my god, what have I done? Qu'est-ce que j'ai fait? Merde, j'ai tout gâché. C'est tout acheté maintenant. Faut qu'on se prenne la tête. On se prenne la tête et qu'on se jette contre le mur. D'électricité, elle est où la fée? Ah, c'est moi la fée, la tantouse. Ce soir pour vous, une tarlouse qui fait pas la fête pour une fois. Tu sais quoi le gobelet? C'est un truc pour manger les pas beaux. Un gobelet, c'est un truc pour manger les pas beaux. Un gobelet. Je recommande cette radio à tout un chacun. À chaque fois ici, il y a des gobelets en plastique qui sont propres. Ce soir, émission spéciale Chet Baker, je vais interpréter un seul trompette par le cul, quoi. Prout, prout, prout, prout, prout, prout, prout, prout, prout, prout. Ah. Ouais, parce que moi, mon côté facho, c'est que j'aime que le truc, que le jazz de noir, et de noir, et de noir, et de noir. Moi, le truc de facho que j'ai, c'est que j'aime que la musique, tu vois. Moi, le son, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la grande, la belle, la pure musique. Chacun son truc, tu vois. Toi, t'aimes que les blacks, ben moi, j'aime rien, tu vois. J'aime que la musique. Que la musique, tu vois. Tu comprends maintenant? Ne dis plus rien. C'est ça, ne dis plus rien. Exprime-toi en gargouille. Trépasse. Allez. Allez. Je vais à présent faire le con comme d'habitude. Et que de la merde, ça c'est sûr. C'est nuisance. Ouais, c'est nuisance, ouais. C'est nuisance. Ouais, nuisance, ouais, nuisance. Ouais, c'est nuisance. Bon, on pourrait dire sortez vos morts, mais on la connaît déjà celle-là, la fin de l'histoire, hein. Enculé, enculé, enculé. Ouais, enculé, c'est ça, allez, on fait enculer, ouais, c'est bon ça. Mais on a déjà vu ça aussi, donc on va essayer de faire quelque chose de frais, de nouveau, de spontané. Ça, c'est spécial dédicace pour le gars d'avoir l'émission d'avant qui aime ça. Enculé, enculé, enculé. Voilà, et spécial dédicace, ben c'est justement le truc que j'ai envie de faire ce soir, donc on va faire une émission spéciale dédicace. Appelez, c'est le moment ou jamais. Le téléphone est libre. Totalement et infiniment libre le téléphone. Dédicace John F. Kennedy, je traduis pour le mec qui gueule derrière moi. Alors John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, le plus grand, le plus fameux de tous les présidents des États-Unis d'Amérique. Ce qui n'est pas la France, donc qu'elle aille se faire foutre, quoi, c'est ouais, ça. C'est lui qui a construit l'aéroport à New York. Ouais, c'est lui, ouais, où tu peux transiter pendant des années là-dedans. C'est énorme, tu peux dire. Bon, je vais essayer, tenter, si personne ne m'empêche, de faire un solo de harpe. Oui, je t'empêche. Oh non, ne fais pas ça, oh désespoir, oh langueur. Oh, que vais-je faire si je ne peux pas faire de harpe Je vais faire de la guitare jazz, peut-être. Oh oui, de la guitare jazz, oui monsieur. C'est bon la guitare jazz. Ah, puis de la harpe, c'est mieux en fait. Wouh! Ouais, t'es le meilleur harpiste que j'ai jamais rencontré, mec. En même temps, j'ai jamais rencontré de harpiste avant, alors. Toi, t'es bourré, harpiste! Ouais, ma pisse, ouais! Harpiste partout! Pour moi, avec la pisse! Ouais, si tu mettais ton casque, tu verrais qu'il est branché, le micro. Et oublie pas ton armure avec ton casque. Mets ton armure avec ton casque. Ouais, Igor. Igor, mon verre. Oui, maître. J'arrive, maître. Igor. Mon bon Igor. Quoi, du tabac? Tu veux du tabac? C'est interdit, le tabac. Ça tue, le tabac. Putain, le tabac, ça tue. Le tabac, ça tue, ouais. Ça tue. Ouais, ça tue, le tabac, c'est ouais. C'est trop mortel, le tabac. Ouais, c'est trop mortel. Le tabac, c'est trop mortel. Tu sais, t'as qu'à demander à ton médecin. Il va t'aider. Il va t'en procurer. Oui, il y a une bicyclette. Ouais, il y a une bicyclette qui arrive avec un cube dessus. Il y a Terminator. Le T-1000. Quoi, en personne. T-1000 is here. Amen. Le T-1000 est là. T-1000, ça te dit quelque chose? Terminator 2, il est là. He is here. He's gonna kill us. He's gonna kill us in the ass. Oh no, my God, not him. Pas lui, non. On va tous mourir, il est là. Il est revenu. Oh, I'm back. Ouais, la bicyclette a piné son... Personne veut faire un solo de harpe avec moi. Personne. En même temps, ce serait pas un solo de harpe. Laisse-moi réfléchir. Deux secondes. Et, mec, là, avec le truc, là. Ouais, toi, on s'est déjà vu quelque part. On s'est déjà vu quelque part, mec. Comment tu peux me dire ça, toi? Comment tu peux me dire ça? Je suis pas d'accord avec toi. Forcément par principe. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas me répondre. Je veux dire, en principe. Mince. Je ne crois pas. Oh, mince. J'ai fait un mauvais réglage. J'ai mis le micro à fond et ça a l'arsené, quoi. Maintenant, tu peux t'exprimer. Oh my God! Here, I put the apparatus in your ass. Can you feel it, man? I can feel the apparatus in my ass. It's rumbling. It's tumbling. Ça grésille dans mon cul. Je me demande ce qui va se passer une fois que mon cul sera terminatoré. Terminé. Éliminez le cul. Prenons le cul comme exemple et éliminons-le. Lord, kill me, please! like, have you ever seen a dead body? I have seen a corpse one day. It moved in my head. It wasn't my head, it moved. The whole time it was talking to me. It was talking to me in strange languages. I could hardly understand them. Ça disait... Bâtard. Bâtard. Tu vas crever. Achète le Coran. Achète le Coran. Ça me disait... J'ai écouté. How can you say that? Not me. It's not me, I've said. It's somebody else. Somebody dead. Bonjour. The roof, the roof, the roof is a... Y'a du vent. Ouais. Vas-y, crame tout. Fais attention, le snap. Il va tout brûler, il va loquer, le brûler, le feu. On dirait un film de Hitchcock en stock. Okay, it's just about the time when I tell you to fuck yourselves, just go die, fucking hang your spirits on the walls, and rot in hell. This is where I say fuck you all. Et c'est là qu'on sait pas trop ce qui se passe en fait. Il se passe un peu trop rien en fait, même le dire carrément. Puisque comme d'habitude, je n'ai aucun respect pour quoi que ce soit. Le respect, je l'encule. C'est bien connu. Par exemple. Voilà. Exemple d'encule. On va faire un autre. Attends, bientôt le dernier exemple d'encule en date. N'oubliez pas d'aller tous vous faire foutre. Surtout, oui, allons nous faire foutre. Oh, comme c'est insupportable. Oh, que ça fait mal aux oreilles. Oh, oh, oh. Oh, que c'est pas beau. Oh oui, oh oui. Il y a un moment où vraiment on se marine dans la soupe et on devient blafard à se regarder dans le miroir et on se dit mais qu'est-ce que je peux faire comme merde. Et tout ça en rythme, bien sûr, bien éloquemment, je m'encule moi-même devant vous, mon trou béant est là pour que vous le massiez avec les dents. Welcome, welcome, Sesame. Sesame seed on a string ball bum. I will fuck you all in the asses in your heads tonight. This is what you have. This is what you got. That's what you all get from this stupid show. Nuisances for you tonight on Radio Canal Sud. Or should I say, Canal Sud Radio in Toulouse. I'm born to lose you. Vile little thing. vile créature. Tu vas mourir un jour. Vas-y, fais ton... fais ta Gina Rollins, ouais. C'est quoi déjà? Pardon? Gina... C'est quoi ça? C'est quoi, c'est qui Gina Rollins? C'est une ouf. C'est une ouf. Une touffe, tu veux dire. Une touffe de plus ou de moins. En parlant de touffe, en voilà deux. Il y a des calmes qui arrivent. Encore des touffes. De plus en plus. On est de plus en plus. Ouais, on est des tueurs d'enfants, ouais, c'est ça. Exprime-toi plus près du micro si tu veux tuer les enfants. Qu'est-ce que tu fais avec cette gamine là? Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas moi qui l'ai prise encore. Enregistré. Voilà, tu oula, ça devient bizarre. Hein. Comment tu t'appelles? Salut, c'est moi. Tu veux pas me parler? T'as encore ton truc avec les petites, c'est ça? T'as pas changé, hein? Bon, moi je vais me toucher le cul en attendant. Alors quand je parlais de toucher mon... Voilà, tu passes, alors je parlais de me toucher le cul, oui. Tu m'écoutes? Voilà, c'est ça. Alors tu vas te calmer maintenant. Calme-toi. Tu vas te calmer, j'ai dit. Si les gens mettaient leur casque... Alors, j'étais en train de dire justement que il faudrait que tu m'écoutes, s'il te plaît. Tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Oui. Non, on disait, fais des nuances. Des nuances dans les aigus, s'il te plaît. Vite. Vite. Non, pas ça! Bienvenue. Nous sommes entre des gens loquaces. Et si peu. Nombreux. Que nous pourrions remplir une salle de bain, peut-être. Si la salle de bain était assez grande pour nous mettre à trois dans la baignoire, pendus, dans nos sangs, pour sang, pur bœuf, de steak haché, paumé dans l'aventure fécale, d'une alité inazurée et un tant soit peu larcénée, ce soir. Où est le haut-parleur? Où est le haut-parleur? Le haut-parleur, il est où? Pointez le haut-parleur sur le micro. Pointez haut-parleur sur le micro. Réponse inatrophiante, peut-être. Oui, c'est ça qu'il faut faire. N'importe quoi avec la bouche. Oui, fais ça avec la bouche, c'est bien. Attends une minute. Qu'est-ce que t'es en train de faire avec ta bouche, là? Non, mais tu veux bien arrêter de me lécher les pieds, s'il te plaît? Non, c'est pas, je voulais pas dire arrête complètement. Je rends. Oh, il est la paix. Que vous avez commencé à... C'est quoi l'intérêt d'une bouteille en aluminium ? Des Tunisiens qui viennent en France. Ah oui, absolument. Dans ces deux pays... Même en espagnol, Donc justement, on voulait parler, donc c'est le moment ou jamais, on peut parler maintenant. Parlons. On dit plus rien maintenant, c'est fini. Dans hein. L'idéal, tu peux parler. Ouais, voilà, ça y est, on peut parler maintenant. Alors, on va parler maintenant. Alors, vous avez quoi à dire ? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, là ? Vous pouvez parler, alors allez-y, quoi. Vous gênez pas, surtout. Hein. Jusqu'à minuit dans Party Fun. Ouais, je suis fatigué. Ouais, moi aussi, j'en ai marre, franchement. C'est ton idéal, ça aussi ? Ou matériellement, t'es fatigué ? J'ai la tête idéalisée par des structures. Et entre les deux, il y a un mouvement impossible. Ma bite reste collée contre le bitume. Ça gratte. Ça gratte. Le soleil me frappe fort sur la tête. Et mes cheveux s'hérissent. J'ai dit à Arthur. Puis je le verrai plus tard. C'est un mec qui fait du slam, ça. Sûrement. Il y a quelqu'un qui veut une trace de cocaïne. Non, la pas, ça craint. Faut pas parler de ça à la télé. Parce que la cocaïne, c'est mauvais. Écoute tes vagues là. C'est mal. La drogue, c'est mal. C'est pas ça romantique. C'est mal. La drogue, c'est mal. T'es mauvais, t'es un méchant drogué. Va crever. T'as dormi plusieurs fois chez moi, mais on n'a jamais été. Va crever. Méchant drogué. C'est pas loin, moi je me suis dit. Je sais pas, t'aurais pu me proposer un week-end, on serait parti avec la moto. Comme ça, sur un coup de tête. C'est vrai, on a fait de la randonnée, mais on n'a jamais... C'est vrai que si ton moteur il casse en route, c'est moins drôle, mais... Ouais. Il faut trouver une clavette. Si vous avez une clavette, je veux bien. Pour, c'est quoi une XP6 hein? Ouais, la clavette du Villebrequin. Agathe, ça fait sur une moto 50 cm3 de la marque Peugeot. Non, c'est un moteur à N6. La pièce Z2336. Number 33 on the list. 2336. We can rarely find another neighborhood. A AK-47 gun. We have found this gun in Los Angeles, Alzheimer, California, with all the Santa Fe monikers. I wanna fucking be ass. Who wants to bid? Will you bid on this item? Alzheimer. Will you bid on this item? J'ai une intelligence artificielle. Trop bien ça. Bid! Ah, c'était cool, très bien. Pudink, splunk, daba daba daba. Yeah. quand après une longue attente de rembobinage, vous pouvez écouter mon morceau, alors j'apprécie. Bienvenue ce soir sur Canal Sud, la radio, je sais pas trop en fait, qui rime en Ude. Interlude. Bon, Interlude, la radio Interlude, Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net, bienvenue. Bon, Est-ce que tu penses qu'on pourrait loger donc des salariés prolétaires avec des étudiants anarchistes je sais pas si en définition... Attends. Laisse-moi vérifier. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'une symbiose est possible ? Le fichier 22, le fichier 22B. Ils sont dedans ? Le fichier FPN 22B. Je vérifie, oui. Tout à fait, oui. Monsieur, vous avez l'affirmative pour cette réponse. Alors, on va peut-être commencer à se pencher là-dessus. Enfin, il faut je vous en prie, ne vous penchez pas si bas. Si. Je me penche dessus, donc c'est une place. C'est pas très loin de chez vous d'ailleurs. Elle est publique ? Elle est publique, oui. Mais apparemment, il y a des éléments privés dessus, et je nous aimerions interroger ces éléments pour savoir s'ils pourraient s'ouvrir au public. Oui. Et donc un public hétéroclite et savoir si. Une cohabitation est possible entre prolétaires et étudiants. Je propose de couper des têtes. Pour la terreur. Pour le terreur, la terreur divise. Étudiants qui touchent des bourses. La terreur divise. Pour souffler des bourses d'ailleurs. Et nous pouvons régner comme ça. Est-ce que je me trompe ou est-ce que, non, je crois que diviser pour régner, ça marche. Certains sont-ils tenus de travailler dans des restaurants américains faute de bourse suffisamment grosse. On pourrait faire. Vous observe. On pourrait faire un immeuble, mettre des gens comme ça, on les filme, et après on regarde de quelle couleur ils sont leurs excréments. Ouais. Et puis après on vendrait de l'urine en bouteille. En flacon. Ah, mais où est. En bol. Là, t'es que dans le matérialisme alors. Quoi la queue ? Ah, qui c'est qui parle de queue encore ? On va mettre un petit peu d'idéalisme et voyons si. On peut faire un truc homogène entre les deux. Ou pas. On pourrait aller se faire enculer. Oh non, on n'oserait pas, tu sais. Non, on va faire ça. Il n'y a pas moyen. Alors déjà, moi, je suis pas d'accord. Parce qu'en se faire enculer, c'est sale. C'est sale. Oh, c'est sale, se faire enculer. Ouh, c'est sale. C'est dégueulasse, même. Croyez-moi sur parole. I got a gimmick, it goes like this. La la la la la la la la la la la la. It's the X-Files, we're here, it's the Twilight Zone. Je visualise le lieu là en fait, et c'est un bâtiment appartenant à une obédience, j'ai envie de dire, et qui a déjà été occupé par du public. Je me pose la question si cette obédience est publique ou elle est privée, puisqu'elle se permet de virer du public. C'est à côté de la caserne ? Je ne sais pas. Mais la fête du bruit, c'est quand ça, la fête du bruit ça existe ça mobilise pas autant de monde. On pourrait. Parce que c'est simplement le fait de dire bruit, puisque finalement hier soir c'était quand même pas mal du bruit à certains moments. Mais moi je verrais bien. C'était là où il y avait la grande garderie à ciel ouvert, tu sais, voir les Garonnes là. Le jour le moins grand, le moins long quoi. La nuit la plus longue. Ouais. Ouais, on fait une fête du bruit. Ce serait bien, hein. Ouais, ça pourrait être pas mal. Mais les gens finalement se plaindraient pas trop parce que la nuit est courte. Ouais. Hein? Mais oui. Ouais, on ferait ça la journée. Toute la journée. Toute la journée, ouais. D'accord. Ouais. Et puis la nuit, on enregistrerait les bruits qu'on ferait pas. Est-ce que ce serait un jour férié? Ouais, moi je dis. Moi j'aimerais bien. Et alors là, je serais bien placé pour être un sérieux protagoniste, puisque je pourrais ramener tout mon équipement de chantier. Ouais. Donc un au perforateur, l'autre à la tronçonneuse, l'autre à la scie circulaire. Déjà avec ça, c'est pas mal, tu vois, ça fait un bon trio, tu vois. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire en guise de batteur, moi je vois bien un marteau piqueur. Ouais, moi je dis on fait du bruit, mais on se cache les oreilles, comme ça on n'entend pas le bruit. Comme ouais, on fait voilà. Un pouce de bruit. Ouais. C'est bien ça. Ça peut être pas mal. Ouais. Moi aussi j'aime beaucoup. Puis après, on n'essaierait pas de discuter avec les gens parce qu'il faut faire totalement la. Surtout que moi ils essayent pas de discuter avec moi quand je suis sur mon chantier. À faire en général. Ouais. Mais si l'architecte lui discute avec les gens. Et il a le droit à tous les honneurs, mais par contre, moi, le rustre bantou grimé à la hâte, je n'ai pas le droit. Ah, mais c'est normal, hein. D'ailleurs, si je fais des travaux chez quelqu'un, en général, les gens disent « on a fait ça, mais je suis pas dedans », en fait. Et eux, ils l'ont pas fait avec leurs mains, mais ils disent « on l'a fait ». Je suis pas là pour dire « non, c'est moi qui l'ai fait ». Mais par contre, je peux faire du bruit. C'est l'idéalisme qui se mêle à la conjoncture sociale, quoi. Alors un idéalisme qui se met à la conjoncture sociale, ça donnerait moi Anthony de Chantier qui va en after work direct, sans prendre de douche, pour que les gens voient directement matériellement ma condition. Je suis obligé de retourner chez moi, je peux pas manger des tapas en terrasse directement. Je pourrais le faire finalement, mais on verrait ce que ça donne finalement. Est-ce que matériellement je me ferais éjecter ou pas? Ou est-ce que idéalement les gens me rejetteraient dans leur idéal? Si je suis plein de copeaux de bois, est-ce que ça les perturbe ou pas? Ils se diraient que t'es venu pour faire leur maison. Ou alors pour qu'ils comprennent vraiment, à la limite, il faudrait aussi que tu dises oui, bonjour, je charpente ta face, et tout du genre. Genre, faudrait pas que tu parles comme un humain, quoi. Il faudrait que tu utilises. Ah, j'utilise que des borborygmes. Que des borborygmes. Ouais. Ouais. Je suis pas quelqu'un doué de raison. C'est pour ça que j'arrive pas à décider. Ou si tu tirais la main, par exemple, tu prends une planche et tu mets un clou dedans, quoi. Tu vois. Faut que je m'exprime comme ça. Ouais, ouais, ce serait bien. Hein. Ponctuellement, avec des pointes. Ouais, voilà. Genre, quand tu marches, en fait, tu coupes une planche à l'autre et tu fais du marteau-piqueur. Ce serait bien, hein. Franchement. Alors par exemple, pour commencer, il faudrait savoir dire bonjour et par quoi ça se traduirait. Ouais, j'exprime le bonjour. En fait. Et sur les chantiers, vous faites comment? Une poignée de main, un viril. J'ai entendu parler que vous asseyez et fumez des cigarettes. À ce qui paraît, vous êtes des glandeurs parce que là, ouais, ça va pas assez vite. Il y a des gens qui perdent de l'argent. Ah bah c'est sûr. Ah ouais. C'est-à-dire, y a franchement, quand tu vois la vague d'immigration qui existe dans les métiers du bâtiment, tu t'en rends compte, hein. C'était une violente vague de branleurs. Il n'y a pas besoin d'immigration, je veux dire, c'est vraiment ça, le mal absolu. Ce qui fait la crise chez nous, c'est ça. C'est que tous les acteurs de la production directe sont des branleurs. Que les décideurs, eux, mais qu'est-ce qu'ils bossent? C'est-à-dire, ils compensent même. Je pense même qu'ils viennent mettre la main à la pâte, ça se voit, quoi. Ah, oh, mais ça serait craignos, quoi. Non, mais t'as de l'argent, c'est pour l'investir, c'est pas pour travailler, quoi. Ah, tu l'investis dans des outils, donc des ouvriers. Oui, oui. Non, mais c'est... Et c'est l'aumône qui se moque de la chrétienté, quoi. C'est l'anus qui se moque de la chatérité, quoi. C'est le foutre qui se moque de la cyprine, tu veux dire. Ouais, c'est un peu ça. Oh, c'est sûr. Non, mais donc sur cette fête du bruit, il y a des choses à faire. Ouais. Quelque chose d'un peu plus analogique. Oui, parce que finalement, si on voit la fête de la musique, bon, les gens se lâchent, hein, même s'ils jouent pas très bien. Ils ont besoin de travail quand même pour montrer quelque chose à un public, mais la fête du bruit, là tout le monde peut y participer. Ah oui. Sinon, il n'est pas autorisé, il doit aller travailler, hein, jour férié, il est obligé de faire du bruit, hein, sinon on le vire. Hein. Attends, on peut pas créer un concept et accepter n'importe qui, quoi. Donc ça serait un ouvre-feu, c'est le contraire d'un couvre-feu, c'est-à-dire que les gens sont obligés de sortir d'eux, les vire de chez eux, s'ils font pas de bruit, il faut qu'ils fassent du bruit dehors. Ils doivent prendre quelque chose pour faire du bruit, hein. Et tout le monde est équipé d'une casserole Tefal de préférence. D'une canette. Voilà. Ouais, bien sûr, on pourrait établir un protocole bien construit et on obligerait les gens à suivre un plan. Ouais, mais là après, non, peut-être. Non, pas de normes minimales de bêtes décibels, ni de type de fréquence. Il faut vraiment que toutes les fréquences soient représentées. Ah oui, mais là, il faut mêler la minimale au maximum, quoi. Là, il faut bien renverser les tendances actuelles, quoi. C'est le but. La minimale serait donc une boîte de nuit prestigieuse, et notamment celle qui est bien pourrie comme nous connaissons. Et une free party, donc entre le minimal et le maximal, c'est ça. Non, moi je pense qu'on peut encore dépasser la free party. Si chacun monte de soi, il entend son bruit, il entend le bruit de l'autre, bruit plus bruit, ça fait beaucoup de bruit, et ça peut être sympathique, quoi. Toujours avec plein de bruit, comme ça. Après, la multiplicité des nuisances représentées dans l'espace public. Et oui, mais là, le truc, c'est réussir à transformer la nuisance en quelque chose d'agréable. Pas d'agréable. Une cacophonie harmonieuse, finalement. Normalisant. C'est pour faire comprendre que en nous, il y a quand même le désagréable. C'est fait partie de chacun d'entre nous, et le problème de culturisation de la sodomie est désaccordé par rapport aux idées. Alors, ce que je dis, ça veut rien dire. Mais c'est tout le j'essayais sens de représenter ça, donc la culture, donc un enclos fermé avec des pots de lait sur le tour pour maintenir les grillages, et donc pour passer outre, donc se sodomiser sur les pots de lait peut-être, non, pour faire écrouler la barrière ou quelque chose comme ça, finalement entrer en plein dans cette culture avilissante pour la renverser. Mais là, il faudrait réussir à encore conceptualiser que les barrières n'existent plus. Je n'ai pas encore réussi, donc de là à réussir. Ouais. Bon, alors il faut faillir au fait que la barrière a disparu avant même d'avoir pensé que la barrière était là. Même ne pas avoir cette idée de la barrière, finalement. Genre fermer les yeux. Courir dedans et la franchir advienne que pourra. Ça fait partie du mouvement en lui-même. Pourquoi marcher avec en mettant un pied devant l'autre? Je veux dire, on pourrait marcher, courir et voler en même temps, quoi. Ça serait sympathique à mon idée, quoi. J'ai essayé l'autre jour, j'étais avec toi et Dave. C'est mon paquet de clubs qui a volé, quoi. Il est tombé. On a couru trop vite, nous avons dépassé les vélos. On a presque réussi à être libre, hein. C'était beau. Et en fait, c'était une piste d'envol, parce que c'est vrai que le pont à cet endroit-là faisait une légère côte. Si on avait couru suffisamment vite, je pense qu'on aurait volé. On aurait pu monter sur un vélo comme ça, et on aurait roulé aussi. Effectivement. Mais à un moment donné, j'ai hésité, il y avait une personne âgée qui était en vélo à côté de moi, j'ai eu envie de le pousser pour qu'il aille vite, qu'il sente une espèce de seconde jeunesse l'envahir, et je me suis dit non, il va pas contrôler la machine, et ça va être déplaisant à voir. Genre lui montrer ce qu'est la relativité, un truc du genre, quoi. Tout à fait. C'est pas... ce souffle vital prodigieux le poussait. Et j'aurais pu me tenir dans sa condition d'homme rouillé, et lui aurait pu me remplacer au chantier, ça aurait été assez rigolo. Ah oui, oui. Ou alors j'aurais pu simplement échanger nos modes de vie, c'est-à-dire que sur le chantier j'aurais été parfaitement incapable de gravir les quelques échelons de mon échelle, et lui par contre aurait été une machine sans limite. Oh, quelle belle image de ta personne. Une machine sans limite mais qui s'use tout de même. Donc je suis une machine louée depuis bientôt 7 mois donc par un entrepreneur qui possède 5 entreprises. Ah ouais, et qui pousse les machines au plus haut rendement, donc les machines s'usent vitesse grand V. Les jeunes machines dans la force de l'âge entre 25 et 40 ans et qui prennent chaque année l'équivalent de 2 années de travail en bureau. Moi j'exagère. 7 ans de durée de vie de différence entre les gens qui travaillent en bureau et les ouvriers du bâtiment. Un maître maison qui accepterait un repose-bière. Je sais aussi être un repose-shit. Où je peux aussi contenir vachement énormément de fluides corporels. Est-ce que tu fais tes destins? Non, réceptacle alors si tu contiens des fluides corporels. Il y a même de la pizza. Réceptacle, est-ce que tu peux contenir? Quelle est ta capacité de stockage? Fais gaffe, il y a des geeks. Tu contiens. Parfois, tu as du mal à stocker l'alcool. Tu laisses échapper. Sors pas d'une grande école. Heureusement que hier c'était la fête de la bière, ben j'ai vu des branleurs à casquette qui avaient mis un son et tout derrière une église, et tout, c'était à vomir. Ou à pisser dessus peut-être l'église. C'est pas mauvais, c'est chimique. Le son. Ah. Moi aussi j'ai pas vomi. Le son du canot et des chipes. Que j'ai toujours des parts de pizza sous mon siège. Ouais, je croyais que tu disais que t'avais encore des barbituriques. Tu allais les manger à midi, quoi. Ouais, non. J'en ai mangé une ce matin en me levant. Et un petit déjeuner salé, c'était pas mal. Mais hier soir, ça m'a quand même donné vachement soif. Hein. T'as fait quoi? Quoi ça? T'as déménagé hier soir. T'as porté des caisses? Non, c'était moi la caisse. J'essayais d'être caisse, mais j'ai pas réussi en fait. Parce qu'on nous a volé notre bouteille en fait. C'est une fille à l'éthique frivole en fait qui m'a dérobé le breuvage. Et je lui entraînerai rigueur très longtemps, je pense. Parce que moi je suis allé au corral faire des bisous au taureau. Alors, et alors le taureau, il avait une grosse queue. Dans le cul. Tu lui fais des bisous où aussi? Ah, pas sur la queue. Ouais, non, à ce moment-là, non, vaut mieux pas. Non. Mais le temps qu'il se retourne, remarque. Parce qu'il va pas te faire mal avec sa queue en fait, c'est plutôt avec ses cornes. Mais il va apprécier. Hein. C'est possible. Mmh. Et oui, c'est ça un taureau, c'est un queutru qui a 2 bites sur la tête. Mais ça doit être des corridas qui ont dû exister, ça. Ouais. C'est la feria ici. C'est la feria Toulouse. Ouais, je me souviens. Donc, que... savoir abondamment. Je comprends rien du tout, tu vois. C'était du côté en fait, de Haïti. C'est ça. Ah, pardon. C'est boire abondamment. C'est pas les Landes. Merde. C'est le flux et le reflux constant. Le conflux. C'est l'impermanence des liquides en fait. La rémanence des fluides, ça. La, la spermanence. Certes, des druides. Ça peut aussi couler dans le caniveau. La spermanence des druides, c'est pas mal ça. La spermanence des druides. Des druides, ouais. Ouais. Non, bon, bah, là, j'arrête. L'aspect permanent des gens, je sais pas. Le sperme émanant des druides. Ouais, c'est ça. Je suis ignore. Ah, c'est ça, c'est le sperme émanant de druides. C'est ignoble. Ça. Je préfère être ignore de ce qui est ignoble. C'est le. Le sperme pur. Et alors, moi, je me suis toujours posé la question si le bitch avait un rapport avec ça, parce que je trouve que ça ressemble un petit peu parfois à des bitch. Quelque chose de truc collant. Des bitch. C'est vrai que les bitch, ça ressemble à un truc collant. Hein. Tu veux dire les pétasses blondes. Non, pardon. Le gui. Ah, le gui. Ah, le guignol encore, c'est moi ça. Le bitch volé. Ah, tu voudrais pas faire une beach partie bourré, de donc le gui rempignol. Ça donne ça. Ça. Un sac à foutre ou agnol. Ou agnol, ouais. Un sac de frappe. Quand il est trop bourré, ça devient un sac de frappe aussi. Un sac de frôle. Un sac de frôle, ça c'est moins drôle. C'est lourd, hein, c'est indigeste. Contrairement aux chips. Oui, un sac de frôle. Elle aime se faire prendre violemment et dévorer. Foutre. À pleine bouche. Soit d'accord avec nous, soit le cercle des gens. Comment ils disent, c'est heureux. Rebondir. Ouais, ou s'écraser, tu sais. S'écraser comme une merde. Rebondir, ah ouais. Après, il s'est écrasé comme une merde. Allez, je me suis écrasé comme une merde. Je sais pas pourquoi on dit ça, va c'est pour comme une merde. Rebondir. Parce que les miennes font pas ça, quoi. Comme plouf, mais. Non, pas forcément. Mais même, sur une surface avec une réaction d'appui. Ouais. Je sais pas si on peut l'étudier en résistance des matériaux, mais franchement, ma merde, elle ne fait pas ça. D'accord, et est-ce qu'il y a moyen d'utiliser le mot foutre dans ta phrase? Non, on peut utiliser poutre, donc on peut considérer poutre, que ma merde, si c'est un étron. Parlons d'une poutre. Ça peut être une poutre. Donc il y a un effort vertical avec une réaction d'appui sur le sol. Et là, on peut constater la déformation. Alors, je sais pas si on peut faire un Cremona avec une merde, mais ça peut être intéressant. Donc, des barres avec des. Bah, vas-y, je suis en train de parler. Et donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait, il faut décomposer l'effort. Non, arrête ça, c'est bon. Donc, un effort à la compression si la merde s'écrase donc sur le sol. En effet, parlons de compression. Ouais. Donc, est-ce qu'elle s'écrase ou est-ce qu'elle fléchit? Faudrait essayer, ouais. Alors là, ça fait longtemps que j'ai fait ça, quoi. Les Cremona, ça fait longtemps. Quoi. C'est la base en plus. Hein. Moi, j'ai pas mis d'équation dedans. Je connais pas le moment fléchissant de la merde non plus. Je crois que c'est sur une merde, supposée horizontalement, sur trois appuis. Comment ça se comporte, je sais pas. Il faudrait que je demande à mon collègue de boulot, parce que lui, il travaille dans un bureau d'études. Comme une briquette. Je sais pas s'il faisait de ces matériaux-là, s'il calculait sur de la merde. Quoi, c'était pour faire des maisons? Des briquettes de merde pour faire des maisons? Ouais, voilà. Bon, alors ça se fait dans d'autres pays où ils ont que ça. Ah ouais, c'est cool. C'est super chez cool. Nous, on a oublié parce que tu vois, on snob un petit peu ce qui est un peu naturel. Mais je pense que, ouais, il y aurait moyen. Il y aurait largement moyen, quoi. Ouais, on fait du béton chaud chambre, pourquoi pas imaginer donc un béton chaud bouse ou chaud merde. Ouais, et puis ça doit être un truc, cacao, genre comment ça s'appelle. Cacao chaud. Cacao ça doit te tenir chaud et puis ça doit faire que les insectes ils se cassent. Pas forcément parce que. Comme ça, ils voient de la merde, ils se les cassent. Les bousiers, eux, ne snobent pas les bouses. Ah oui. Et même, je dirais que si tu mets pas un antivol, ils pourraient se casser avec, tu vois. Ah ouais, carrément. Avec leurs potes, là, les fourmis. On serait dans la merde, franchement. Non, avec on serait plus dans la merde, tu vois. On serait plus dans notre maison de merde et. Voilà, on n'aurait plus de maison. Des trois petits cochons et du loup, non, là c'est carrément le bousier qui s'est cassé avec les murs, quoi. Et les Marx Brothers. J'ai pas droit de toucher. Repus, moi je veux pas toucher à ton truc. Touche pas à mon truc, c'est mon truc, touche pas. Je traduis, ceux qui n'ont pas compris. C'est mon truc. Je suis un gros bâtard, touche pas à mon truc. T'entends? Tiens dans la gueule, connard. Enculé, t'es qu'un bâtard, va te faire enculer, ouais. C'est pour ma gueule ça. C'est moi l'enculé, le bâtard. Et vous, par contre, allez vous faire enculer, donc comme d'habitude, toujours sur Nuisance, 92.2 FM, Canal Sud, je veux dire, à Toulouse, France, etc. Quoi. Oh l'autre, il veut nous faire peur et tout, il est du quartier des tueurs. Toulouse, c'est anglais, c'est pas français. Toulouse. Toulouse. Toulouse. Ouais, je sais ce que ça veut dire, quoi. Je sais très bien ce que ça veut dire, quoi. I want to lose. My fucking ass ouais, is a fucking pussy. Dick cunt. Motherfuckers Toulouse, and asshole wipes. Ass. I fuck to lose. Ass. Ass. I fuck to lose. Yeah, yeah. Ass. I fuck to ass. Lose. Woo. I fuck to lose. To lose. To lose. Yeah. To lose or not to lose. To lose or not to lose. To lose or not to lose. To lose or not to lose. To lose or not to lose. Or not to lose or not to lose. To lose or not to lose. To lose or not. Tu pourrais t'excuser quand même, hein. Tu pourrais t'excuser quand même, c'est ta faute. C'est ta faute. Tu pourrais te dire pardon, excuse-moi. Pardon. Excuse-moi. Pardon. Pardon. Tu pourrais faire excuse-moi, pardon. Ah, je me frappe encore pour toi. Je t'aime tellement, excuse-moi. Je t'aime tellement, je suis à tes pieds. Frappe-moi encore avec tes pieds. Frappe-moi dans la tête, dans le cul, dans les couilles. Je veux souffrir, souffrir le chaos ultime. Je veux souffrir dans la le caca qui pue, c'est moi. Dramatisons, la vie n'est qu'une merde. La vie n'est que brun. Brun et caca, c'est la même chose. Alors, est-ce que les salariés et les étudiants accepteraient de vivre de la même façon dans des murs composés de merde? Ou est-ce que y a un décorum minimal, décorum minimum pour les étudiants ou pour les ouvriers? Étudiants, Es-tu néant? CRS, nyan, toujours nyan. Pas de réveil pour notre voisin bronzé, sans bronzage d'ailleurs. Peut-être que justement que tu devrais te délester, donc mon petit bronzé, couler un bronze pour les UV, te sentir plus léger. Les rayons gamma, les rayons bêta. Ah ça j'étais pas par contre. Oui, c'est une dalle. Les ions nucléaires. Carré. Nucléaire. Approché par un véhicule. Nucléaire. Ce véhicule n'est pas nucléaire. Il fonctionne canal au sud, pétrole. Nucléaire. Canal sud. Puis-je nucléaire. Voir. Nucléaire. Nucléaire. Tchernobyl. Tchernobyl. Tchernobyl. Tchernobyl. Fukushima. Tchernobyl. Fukushima. Tchernobyl. Fukushima. Tchernobyl. Ça gégère. Tchernobyl. Yeah. Ça gégère ou pas? Hiroshima. Tchernobyl. Tchernobyl. Nagasaki. Tchernobyl. La Terre sera nucléaire ou ne le sera pas. Resta Thiros de Shima. La Terre sera nucléaire ou ne sera pas. Los centrales son todo muy bien cuidado. Nuclear vio el mundo. Nuclear. El mundo. Nuclear. The nuclear world. Is it war? Nuke them all. Nuclear. We must, people. We must nuke them all. We have to. Le ta savon nuque. Qui vous nettoie la nuque. Appuyez sur le bouton. Ta nuque. Le bouton. Ta nuque. Appuie sur le bouton. Nuclear. Fukushima, Tchernobyl, Nagasaki, Hiroshima, à mort, Hiroshima. À mort tous les humains, nous avons monté le nucléaire Hiroshima. Pour vous terroriser et vous tuer tous. Nous sommes les extraterrestres qui vous dominent, vous êtes nos vaches. Tuons les nucléaires, nous. Et le consensus nous aussi. Vive le nucléaire militaire. Lambada, oui. Toi contre mon Zizi, Fukushima, je t'encule tellement. Hiroshima, je t'encule tellement aussi. Nagasaki aussi. Baisons toute la journée, Tchernobyl et East Island, je sais pas quoi. Et aussi à Google Fetch et toutes les autres centrales, 50 et quelques nucléaires en France. Et le sang des Indiens. Ouais, c'est chouette. Et le sang des Indiens. On va tous crever. Ouais. Et le sang des Indiens. On va tous crever. Quelqu'un veut des chips ? Moi je vais reprendre du sang des Indiens, ouais. C'est pas grave, il reste des chips. Les chips, tu dis. Les chips, en fait, ça me va bien parce qu'en fait, avec le bruit que ça fait, j'oublie quand le compteur GGR il s'affole. Ça craint là ou pas là quand c'est comme ça, hein? Ça craint un peu quand même, hein. Putain, là je sens une petite chaleur là quand même. Oh putain, je viens de perdre ma bite. Ah la vache. J'ai perdu les couilles quelque part. Tu peux m'aider à les ramasser, hein. Elles traînent par terre. Non. Elles saignent. Ouais, mais justement, je crois qu'il faut mieux pas les toucher. Faut mieux pas s'en approcher de tes couilles. Enneige d'abord. Ouais, vu les couleurs qu'elles ont, non, je m'en approcherai pas. Moi, j'aimerais pas avoir les couilles en neige comme ça. Hein. Cubidon en sortant ce soir. Tu préfères lequel? C'est un mélange de Cubidon. Sachons, essayons de savoir de quel Cubi il s'agit. C'est un mélange de Cubidon. Alors, il est rosé, rouge, quoi. C'est un mélange de Cubidon. Oh putain! Putain mais c'est chiant avec des gars comme ça, on peut jamais... Oh. Voilà, les gars. On sait pas de quoi t'as besoin, on sait pas ce que tu veux, c'est toujours le consensus mou, mais dis-moi ce que t'aimes, le rosé ou le rouge? Blanc sur rouge, un rien mélange, ne mais bouge. Non, c'est blanc. C'est blanc, rouge ou rosé, mais c'est pas... Oh là. Bon, on oublie les cubis. Bir une vine venine. Wein und Bier, plaisir. Wein und Bier, plaisir. Bier und Wein, Wein. Bier und Wein, Wein. Je suis gratté les aisselles. Gratte-moi le cul avec ta langue, mon amour. Rouge sur blanc, tout fout le camp. Rouge sur blanc, tout fout le camp. Blanc sur rouge, rien ne bouge. Va crever les abcès purulents avec ton cul. Bier une vine, venin. Bier une vine, venin. Fluorescent. Crever les abcès purulents. Vine une bière, plaisir. Vine une bière, plaisir. D'aller tous les que dire. Quand tu as vu que j'allais revenir. Le cul, et quand le cul, il pilonne le cul, il pilonne le cul en se trémoussant le fion. Le compteur. Oh non. Comment est-ce possible d'être aussi con? Et le compteur de la belle neige qui s'était fait remonter. Con. La chatte, tu la avais chatte, pu con, frotter con, près con, ses auberges, la chatte, con, mais grand jamais, la chatte, il l'avait touché, la chatte, avec la chatte, langue, des carottes aussi et un des poireaux, par derrière, des tuyaux pleins, et de tes yeux, jamais la regarder. Oh Cupidon, quel joyeux pervers, tu nous montrais chaque jour de beaux chemins. Mais de tes mains calées sur mon derrière, jamais je n'ai encore vu le dessin. Il y a des marauds qui maraudent, je les entends pas loin de nous là. Je me demande ce qu'ils font. De la merde que tu fais ça avant chez toi tout seul. C'est encore perché. C'est encore perché, toi. Toujours est-il que c'est marée basse et que toute la faune est en train de crever. Tu sais, toi, où il y a du sucre? Où est-ce qu'il y a le sucre? Passe-moi le sucre, mec. Je veux du sucre. Je veux... le sucre. J'ai trop bouffé du sucre, j'ai envie de vomir, j'ai mal. Passe-moi du sucre, mec. Passe-moi du sucre. Il me faut du sucre. Passe-moi le sucre, il me faut dans les veines. Dans les veines. Je veux avoir du sucre dans les veines. Les veines pleines de sucre. Du sucre. Je veux du sucre dans les veines. Dans les veines, dans les boyaux, dans les tripes, dans les hormones, dans tout. Je veux du sucre. Je veux des sucres dans mes phéromones. Je veux du sucre dans ma tête qui pue. Du sucre. Ah, ça colle. C'est bon. Le sucre dans le cul. Ah. Ah. Ah. Passe-moi le sucre, mec. Je veux du sucre dans la tête. Je veux du sucre dans le cul. Je veux du sucre partout. Partout sur mon cul. Frappe-moi avec le sucre. Frappe-moi avec le sucre en poudre. Avec le sucre en poudre. Oh ouais, mon chéri, je t'aime. Et du coré aussi, hein. Non, du vrai sucre dans le cul. Je veux du sucre dans le cul, ah, ouais. Spartan. Et de la merde aussi, je voudrais plein de merde, s'il vous plaît. Le saccharose. Du vrai glucose dans mon cul. Plein de merde sucrée, comme mon anus qui pue. Tu veux du fructose? Tu veux de la dextrose? Ça, c'est ta faute. Si t'as oublié la plaque électrique, c'est que ton cerveau fonctionnait mal. Parce que tu manquais de sucre. Du sucre. Continue de boire. Il y a beaucoup de sucre dans ton soda. Enfin non, pas tellement. C'est autre chose. En ose. Oh. Yeah, oh. Fuck me. Fuck me, I'm a hose. Fuck my hose. Fuck me in the dextrose. Fuck me the ass hose. Oh, fuck me in the fructose. Fuck me in the throat hose. In the second rose. Fuck me in the mouth hose. Fuck me everywhere in the hose. Fuck me in the world of hose. Yep. Fuck hose, me in hose magician. Why the? Come on, man. I like you. Hose magician. Hey, what's that gun? Oh, you ain't you. Hold it. Hey, I know. Just a boy. I don't know. Just. Le quel malheur. Quel malheur, je vous le dis, moi. Quelle horreur qu'il faut entendre à ces heures-là, je veux dire. C'est pas fini encore, hein, ça continue. Hein. Il y a encore quelqu'un qui a laissé un casque sous le micro. Putain. Dick Laurent is dead. Dick Laurent is dead. Dick Laurent is dead. Yeah, Master Lynch, you have done the eyes to me. You have made me see the wild thing. If you don't fuck me, you see me twice. If I see you twice, you already fucked in the ass. See what I mean? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? On s'est déjà vu. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vous connais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Avec mes yeux? Avec mes yeux? Tu vois ce que je veux dire? Avec mes yeux? Avec ton cul, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Avec mon cul, avec mon cul. Tu vois ce que je veux dire? Je ne crois pas. Tu vois ce que je veux dire? Vous devez faire erreur. Oh, l'autre est toujours du cul, toujours du cul, toujours. Mon anus béant, oui, mon anus béant. C'est le trou du cul du monde qui sauve la vie. Pourtant, j'y suis encore. L'anus horribilis? C'est complètement dingue. Comment ça, vous y êtes encore? Mais on va pas te mettre. J'y suis encore, dans votre maison. Ouais, c'est vrai, vous avez une marre, tu vois. Tout enculé, moi, ce monde de merde. Pas te mettre. Les attrape-sconces. Les pépés le putois. Soyons des porcs épiques. Plus dangereux que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Que dire des charentaises? Alors là, je peux t'en parler. Je peux t'en parler de la charentaise, parce que j'en porte tous les jours. Eh oui, j'ai l'impression que tu les uses jusqu'à la corde. Et moi, c'est plutôt le cognac qui m'use. Ah, le cognac, j'ai... Puis le pinot aussi. Ah ça c'est la daube, ça c'est l'alcool que j'ai jamais pu boire de ma vie, le cognac. Ah bah moi j'ai dû en boire, j'étais obligé parce que quand je payais mon loyer et mon proprio, j'étais obligé de boire du pinot quoi. Ouais, mais c'est pas pareil le pinot là, c'est encore pire. Et puis des fois c'était mon voisin, puis quand je voulais rentrer chez moi j'y arrivais pas quoi. Ça c'est un truc de jeune, c'est tout, quand t'as pas de la sangria et tout, tu tournes au pinot et tout. T'es fracas. Quand direct. C'est gratuit, bon. Ah ouais, ça je veux bien comprendre, je crois que j'en ai pris un. Je suis allé faire un truc une fois du côté par là. Et on était payé en pinot, ouais. Ah bah si t'as pas de limite et que eux ils te limitent pas là-dessus, c'est problème, hein. Et... C'est des erreurs de jeunesse, on appelle ça. Le pinot. Non, parce c'était que sinon, moi j'aime le calva par exemple. C'était vraiment du pinot piné quoi, tu vois. Ah ouais. C'était du pinot inopiné. C'était je pouvais pas fromage. Me préparer, ça m'arrivait sur le coin de la gueule là, comme ça. Ah ouais, mais c'est rude, ça c'est comme les trucs du Gers là, le truc infâme. Puis bon, c'est sucré donc. Plus rapière. Ah. Alors sinon, ouais, tu disais le calva, mais alors le pommeau, c'est le même piège que le pinot, c'est-à-dire que les enfants ils peuvent tomber dedans facilement. Bon, ça a été dépassé par la vitesse. Pour sortir du truc. Là, si tu les sors pas toi-même, tu sais pas quoi. Vous parlez de quoi là? On n'en parle pas. Ah, ouais, d'accord, ce que je me disais aussi, attends, j'arrive, j'ai mangé des chips. J'y pensais justement. Mais je l'ai pas dit parce que je veux pas en parler non plus. On va en parler alors, on va manger des chips ensemble. J'essaie de savoir. Oh là là, ton compteur Gégère s'affole, je crois qu'il y a de l'huile de palme là-dedans. C'est très mauvais pour tes artères. Essaye de savoir parce qu'il y a des oméga 6 dedans et ceux-là ils sont pas très bons. Ça va, c'est bien noir. Alors regardons la composition s'il te plaît. Même si la notice est à l'envers, nous allons pouvoir la déchiffrer. Ce n'est pas aussi compliqué que la pierre de Rosette ni la Rosette de Lyon. La Rosette de Lyon qui m'a toujours évoqué des barésies finalement, car son mode de conditionnement typique évoque effectivement les dessous féminins. Ah, tu veux dire l'IST ? Quadrillé. Genre IST, la Rosette de Lyon. Oh le truc qui t'arrive au trou du cul et tout. Genre t'as une grosse rosette. Ouais, enlève ton armure et passe-moi le casque. Allez, dis moi, enlève ton armure et passe-moi le casque. Ah ouais ? Ok. Classicisme à l'arsenic. Figure des styles numéro 43. Opus 85. À 11h22. J'ai toujours trippé sur les horloges. C'est le truc le plus infâme qui t'arrive dans la vie, l'horloge. En même temps, c'est interstellaire, c'est ce qui te rapproche des étoiles. T'es en communication avec les étoiles, avec les horloges. Thank you. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain, the dirt of the I'm singing in the rain, the rain of the bird. I'm singing in the rain, the bird. I'm singing in the rain, the fucking rain, the rain, the fire, the rain, the rain. I'm singing in the fucking ass and I'm singing in the fucking fucking fuck. graines, même si tu peux. Et puis il n'y a que sur l'extrême droite qui est la seule qui en fait fera rien non plus parce qu'ils vont être muselés, comme les autres à Hongrie, machin. Dans les 27 parties, c'est-à-dire les 26 autres parties, c'est un peu vu par ce extrait. Ou s'il y a. Non, voilà. C'est pas grave. And this is where everybody feels like they're fucked, you know? They're fucked by the person who's doing this show. Laissez-moi traduire pour vous. Et c'est à ce moment-là précis que tout le monde se dit qu'on s'est fait baiser par le mec qui a fait cette émission de merde. Et qu'on va l'enculer, quoi. Je sais, c'est à ce moment-là qu'on se dit, donc justement, qu'on va enculer ce mec, ce bâtard, le mec qui fait une émission de merde. Et pourtant, enfin, il n'y a pas de pourtant, en fait, oui. Donc, c'est bien à ce moment-là que ça arrive. Donc, on dit, damnée, oh, sainte merde. Sainte merde. Cet homme est une sainte merde. C'est à ce moment-là qu'on on le dit, quoi. Cet être humain est une sainte merde. C'est à ce moment-là qu'on le dit. On dit, cet homme est une sainte merde, à ce moment-là, précis. Et pourtant, on avait bien compris que c'en était une avant d'avoir commencé à écouter. On le savait déjà, non? On s'en doutait, peut-être. Mais on n'en était pas sûr. Alors, on voulait vérifier. Et ben voilà, vous le savez, cet homme est une sainte merde. Bienvenue dans Nuisance. L'émission de toutes les nuisances. L'émission qui nuit au sens. Sur Canal Sud. 92.2 FM au canalsud.net. Canal Sud, une adresse, le 40 rue Alfred Duméril. Le 40 rue Alfred Duméril à Toulouse, en France. un numéro, le téléphone, le 05 61 53 36 95, a phone number, 05 61 53 36 95, 05 61 53 36 95, that's with, in fact, a 33 and a 0 somewhere before that. 05 61 53 36 95. Please do call us. We will do a special dedicast for you. We will dedicate a piece of music, big music, huge music, the greatest music on earth, la plus belle musique sur terre. Le bruit. Le bruit des pantoufles. Bon, c'est vrai, c'est de la merde depuis un mois ou deux. Nuisance, c'est vraiment de la merde, j'avoue. Depuis même 3-4 mois. Bon, mais on va dire 4 mois, en fait, 4 mois et demi. Nuisance, c'est de la merde. Mais il faut pas oublier que Nuisance, au début, c'était de la merde aussi. Et qu'au milieu aussi. Donc à la fin, maintenant, eh ben, c'est de la merde. Donc Nuisance a toujours été de la merde, en fait. Donc ça va. Par contre, Canal Sud n'a pas toujours été de la merde, mais grâce à moi, elle en est une. Et une belle. Encore grâce à moi. Merci moi.